Comme un scénario né de l'imagination d'un auteur, cette dernière séquence illustre la cohabitation de deux mondes sonores, celui des clients d'un restaurant en terrasse et celui des véhicules passant le long du trottoir. Bien entendu, le consommateur qui commande son café liégeois et le chauffeur du camion qui noie la terrasse sous son vacarme sont une seule et même personne, mais à deux moments différents. Nous sommes au restaurant Beldon, face à la mairie de Saint-Martin-d'Hères, avenue Ambroise Croizat. Il est 13h15. Ouais, je vais partir en moto.